Les journées passées se ressemblent. Le visage frais, je prends le vent, je t'attends. Plus ça, l'amour égale des seins. Pour et seul au milieu de nulle part, je t'attends. Comme une vision, un sentiment, je t'attends.